إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 14 dans l'explication des fondements de la da'wa salafia, des principes et les bases de la da'wa salafia. Et on avait expliqué juste avant de terminer la dernière fois que le rôle des savants dans l'islam et de ceux qui possèdent la science, il est établi sur trois bases, trois principes, trois fondements. Al-awwal dar'ul ghulu, de repousser l'extrémisme. Ça c'est le premier point, de repousser l'extrémisme. الثاني نقد الباطل. Deuxièmement, c'est de détruire ou de réfuter la fausseté, tout ce qui est faux. الثالث, troisièmement, كشف الجهل, c'est-à-dire de dévoiler l'ignorance, hein, pour faire connaître aux gens la réalité de l'ignorance que les gens de l'égarement essaie de propager et les déformations qu'il ramène dans la charia. Donc ça c'est barakallahu fik. Donc ça c'est les trois points, les trois tâches, les trois rôles des hommes de science. D'accord? Premièrement, on a dit de repousser l'extrémisme dans toutes ses manifestations. Deuxièmement, de réfuter les faussetés et les mensonges. Et troisièmement, de dévoiler et de démasquer l'ignorance des gens qui déforment la religion. Donc le cheikh, il cite les paroles d'un des grands savants de l'islam, le cheikh al-allama Siddiq Hassan Khan, un des mashaykh et des ulama, yani qui est né environ il y a de ça peut-être plus que 200 ans. Hein? C'est un cheikh, un grand savant de la région de, yani si je ne me trompe pas, c'est près du Pakistan ou de ces régions-là, yani dans ce coin-là, Siddiq Hassan Khan. Et donc c'est un des mashaykh et des ulama qui défendaient le Coran et la Sunna dans cette région-là. Il dit dans son livre Ad-Din al-Khalis, hein, dans le volume 3 à la page 261, en expliquant le hadith qu'on a mentionné, il dit يعني على الكتاب والسنة يحمله من كل جماعة آتية بعد السلف أهل العدل منهم الراوون له ينفون عنه تحريف الغالين أي تغيير المتجاوزين عن الحد في أمر الدين والتحريف تغيير وتبديل الحق باللفظ أو المعنى وانتحال المبطلين أي كذب أهل الأهواء والباطل والانتحال ومعناه أن يدعي شيئا لنفسه كذبا وتأويل الجاهلين الذين أولوه بغير علم أو فهم للآيات. Donc le cheikh il explique le hadith qu'on a cité la dernière fois et puis on va le relayer de toute façon. C'est que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que dans chaque génération il y a des gens qui vont venir prendre la science des savants et la transmettre à l'autre génération. Et dans chaque génération, ce sont les gens qui possèdent l'honnêteté, la fiabilité, l'intégrité, qui vont faire ce genre de choses-là. C'est ces gens-là qui vont aller voir, qui vont aller étudier avec les hommes de science, qui vont prendre d'eux cette science, et puis qui vont la transmettre à la génération qui suit. D'accord? Et ça, ça a toujours été comme ça depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont disons rejeter ou alaykoum salam wa rahmatullah, purifier la religion de toutes les déformations qui ont été ramenées de la part des extrémistes, de la part des gens qui dépassent les limites. Le cheikh dit ceux qui ont changé la religion en exagérant, en dépassant la limite dans les questions religieuses et en déformant ou en changeant la réalité, soit en changeant les mots eux-mêmes ou en essayant de déformer sa signification. Donc il y en a qui déforment la religion de différentes manières. Il y en a qui déforment la religion en essayant de changer les mots eux-mêmes et de jouer avec. Ou bien il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient donc de changer, s'ils peuvent pas changer les mots eux-mêmes, ils essaient de changer la signification. Ils essaient de changer la signification de ces hadiths ou des versets dans le Coran. Et pour bien entendu, pour dévier les gens et pour les amener vers leurs idées à eux. وانتحال المبطلين, c'est-à-dire l'usurpation des imposteurs. Les mensonges des gens de bid'a, le cheikh il dit, ce sont les mensonges qui ont été inventés et ramenés dans la religion de la part des gens de la passion, des gens de l'innovation, des gens de bid'a, des gens de la fausseté, les imposteurs qui se font passer pour des savants alors qu'ils ne sont pas parmi eux. Et ils se prétendent donc posséder la science alors qu'ils appellent des gens à l'égarement. Et les déformations des textes et les fausses interprétations des ignorants, ceux qui essaient de déformer la science et la compréhension des versets selon leurs innovations. Donc ça c'est une explication. Après le cheikh il dit wa rahimahullahu fi wa qala rahimahullahu fi nafs al-kitab. Donc le cheikh Siddiq Hassan Khan dans le même livre à la page 3 au volume 3 à la page 546, il dit wa innaka idha ta'ammalta mabani hadha al-hadith wa balaghatahu wa ma'anihi ayqanta annahu laysa lahu mahmalun yuhmalu alayhi illa أهل الحديث إلا أهل الحديث وعصابة السنة وجماعة التوحيد وأن جميع الألفاظ الثلاثة الجامعة لكل من عداهم لا يخرج عنها خارج عن المقلدة ولا من المتكلمة والمبتدعة على اختلاف أنواعها. Donc le cheikh il dit que dans ce passage là il dit si tu analyse ou si tu médites sur la construction de ce hadith qu'on a cité et sur son éloquence et sur ses significations, tu vas arriver à la conclusion certaine que tu peux pas prendre ce hadith là pour autre personne que pour les gens du hadith et sur les gens de la sunna et les gens qui sont sur le tawhid. C'est-à-dire la description qui est donnée des savants et de ceux qui transmettent cette science, elle ne s'applique que aux gens qui transmettent le hadith parmi les gens qui sont sur la sunna et sur le tawhid. Si tu cherches parmi tous les groupes qui composent les différentes sectes ou les différents groupes de la umma et tu essaies de trouver qui respecte la description qui est mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, tu vas pas trouver un autre groupe sur qui tu peux appliquer cette description-là, excepté les gens du hadith et les gens de la sunna, et les gens du tawhid. Les autres groupes, ils peuvent pas entrer dans cette description-là parce qu'ils ne font pas ce que les savants qui sont décrits dans ce hadith-là font. C'est-à-dire, tu regardes les gens qui font partie des autres groupes et des autres sectes, et tu vois qu'ils ne clarifient pas les déformations de ceux qui ont transgresser et exagérer dans la religion. Et de même qu'il ne démasque pas les imposteurs qui appellent à la bid'a et qui appellent à la fausseté. Et de même qu'il ne corrige pas les fausses interprétations que les ignorants ont ramenées dans la religion. Tu les vois pas faire ce genre de choses. Au contraire, souvent ce sont eux qui ramènent des déformations et des falsifications et des changements dans la religion. Donc, tu peux pas l'appliquer excepté sur les gens du hadith et de la sunna et du tawhid. Et il dit, quand tu regardes les trois termes qui sont mentionnés, al-ghalin, al-mubtilin, al-jahilin, tu vois que ceux qui sont décrits dans cette catégorie-là, c'est nul autre que ceux qui font partie des groupes comme par exemple des muqallidah, c'est-à-dire ceux qui veulent suivre la parole d'un savant aveuglément et qui le prennent comme si c'était une référence absolue, comme si c'était la vérité, que tu peux pas sortir de la parole d'un savant ou d'un cheikh ou d'un madhab. Hein? Donc ils font le taqlid aveugle. Ils suivent aveuglément les paroles de quelqu'un sans savoir sa preuve. Al-mutakallima, c'est-à-dire yani, les gens de kalam. Les gens de kalam, c'est-à-dire ceux qui utilisent la logique grecque, ou bien la dialectique, ou bien toutes sortes de ces méthodologies-là qui ont été ramenées par les Grecs, ou bien par les philosophes, pour essayer de définir et d'expliquer qui est Allah, c'est quoi la foi, et des choses de ce genre. Ils parlent de ces questions-là, non pas en se référant aux textes, et en utilisant ces textes-là comme étant la référence et la base pour comprendre la croyance et l'islam, mais ils ramènent les gens à leur logique à eux, et à leur compréhension à eux. Ça, c'est Ahlul Kalam, les gens de Kalam. Ils ont établi des principes et des règles basées sur la logique et la philosophie, puis ils essaient de comprendre et d'interpréter les textes selon ces principes-là. Et s'ils trouvent dans les textes des choses qui viennent en contradiction avec les règles qu'ils ont établies, ils disent, bon, dans ce cas-là, on prend pas ce texte-là, on prend pas ces hadiths, on prend pas ce verset. Ou bien, si on le prend, il faut le déformer, il faut changer sa signification pour que ça soit en accord avec les principes qu'on a inventés. Donc, c'est comme ça la voix des gens de Kalam, Allah al-Musta'an. Et les gens de Bid'a, également. Les gens de Bid'a, c'est-à-dire les gens qui amènent des choses nouvelles dans la religion, soit dans la croyance, soit dans la pratique religieuse, ou bien dans les principes de la religion. Ils inventent des nouvelles formes d'adoration ou des nouvelles croyances. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani, donc, ça c'est les gens qui sont concernés par les descriptions qui sont mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Qala al-imam al-Sha'bi, ahlus sunnati fil islam kal-islamu fil milal, lithalika a'immatu ahlis sunna khiyarul ummah. Donc ça, c'est une parole qui est rapportée par l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dans Kitab al-Iman, il mentionne donc les paroles de cet imam, qui est l'imam al-Sha'bi. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et l'imam al-Sha'bi, c'est un parmi les grands imams du hadith et de la sunna, parmi les imams des salaf al-salih. Il dit que les gens de la sunna dans l'islam sont... Si tu compares les gens de la sunna à l'intérieur de l'islam, c'est comparable à l'islam quand tu regardes par rapport aux autres religions. Hein? C'est comme par exemple, tu vois par exemple, là maintenant dans le monde, il y a plein de religions. Et l'islam, c'est la vérité parmi toutes ces religions-là. Bon, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide et tu deviens musulman. Tu rentres à l'intérieur de l'islam. Maintenant, à l'intérieur de l'islam, il y a 71 sectes, ou plus même parfois. Donc, parmi les gens qui composent les différentes sectes de l'islam, 73 sectes, il y en a une qui va au paradis et les autres qui sont égarés. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que parmi toutes ces sectes, si tu compares... yani celle qui est sur la vérité, qui est sur la sunna par rapport aux autres, eh bien c'est comparable à l'islam par rapport aux autres religions. D'accord? Et c'est pour ça que yani, lorsque souvent on parle avec des musulmans qui sont convertis, des fois ils viennent de se convertir, ou bien des musulmans qui sont nés musulmans mais qui viennent de commencer à pratiquer la religion, yani, c'est important de leur mentionner, de leur dire, hein, que maintenant que tu as découvert l'islam et que tu as trouvé l'islam, maintenant c'est pas fini. Il faut pas s'asseoir puis dire ça y est, yani, je suis sur la vérité, j'ai été guidé. Tant que tu n'as pas trouvé la sunna et que tu n'es pas sûr que tu es sur la voie des salaf al-salih à l'intérieur de l'islam, sinon tu peux tomber dans plein d'autres voies d'égarement. Hein? Et c'est pour ça que il y en a parmi les salaf, il y en a un exemple qui a été mentionné par les salafs, et je me souviens plus qui exactement avait mentionné cette parole, sauf que je me souviens de la parole elle-même. Il y a quelqu'un qui a dit « Alhamdulillahi ala l'islam, c'est-à-dire alhamdoulillah qu'on est sur l'islam, qu'on a été guidé à l'islam. Et l'imam, cet imam de la sunna lui a répondu alhamdoulillah ala sunna, c'est-à-dire alhamdoulillah qu'on est dans l'islam, mais oublie pas de rajouter alhamdoulillah ala sunna, c'est-à-dire qu'on est sur la sunna à l'intérieur de l'islam. Sinon, si t'es dans l'islam, mais t'es sur la voie des khawarij, ou la voie des mu'tazila, ou la voie des asha'ira, ou la voie des autres groupes et des autres sectes d'égarement comme les soufis ou d'autres, eh bien, t'es pas encore sur la voie sauvée, et sur le groupe, dans le groupe sauvé. Hein, t'es encore sous la menace d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple de ce que dit ici, l'imam al-Sha'bi. Puis ensuite il dit وَلِذَلِكَ أَئِمَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ خِيَارُ الْأُمَّةِ. Et c'est pour cette raison-là que les imams de أهل السنة sont les meilleurs de la Umma. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Et quand on parle des ulama, et quand on donne référence, quand on parle des ulama, on parle de qui? On parle pas de n'importe quel d'entre les ulama qui font partie des sectes ou des groupes d'égarement. On parle des ulama d'Ahl Sunnah. Parce que c'est eux qui sont réellement les savants. Parce que les autres, ils ne se réfèrent pas à la base et à la Sunnah. Ils se réfèrent à leurs opinions ou à leur logique ou à d'autres choses ou à des bid'ah et non pas à la Sunnah. Ensuite, le Cheikh dit, wa khatarul khuruj anil ulama. Le danger de sortir et de s'écarter de l'enseignement des ulama et de la position des ulama. Le Cheikh il dit عرفنا أن المنهج السلفي يقوم على فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والسلف الصالح منهم العلماء وغيرهم ممن هو أهل السنة لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع عدالتهم وعلمهم يرجعون إلى علمائهم من الصحابة في أمور الدين التي تشكل عليهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين. Donc le cheikh il dit on a su que le manhaj al-salafi il est basé sur le fait de comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. Et les salaf al-salih parmi eux on sait qu'il y a les ulama, puis il y a ceux qui sont pas des ulama. Hein? Aujourd'hui c'est ça que certains parfois ils font pas la distinction entre les ulama puis ceux qui sont pas ulama, c'est-à-dire le fait que quelqu'un est salafi, certains ils s'imaginent que ça y est, ça fait que on est des savants parce qu'on est salafi. Non, c'est sûr que parmi les c'est sûr que les salafiyoun, peu importe leur qu'est-ce qu'ils sont, peu importe que ce soit par exemple des ulama ou des tulab ilm ou des ingénieurs ou des mathématiciens ou des pâtissiers ou des cordonniers, ou peu importe qu'est-ce qu'ils sont, ce sont tous des salafis, c'est-à-dire leur base et leur fondement et leur compréhension de l'islam, il est établi sur la compréhension des salafis salih. Et ils suivent tous le Coran et la Sunna. Mais bien entendu, c'est à des degrés et à des niveaux différents. Hein? Et même à l'époque des sahaba, les sahaba, ils étaient tous sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur le Coran. Sauf que c'est pas tous les sahaba qui se permettaient de parler et d'enseigner ou d'expliquer ou de donner des fatwas dans la religion. Hein? Et quand ils avaient des problèmes entre eux, les sahaba, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils retournaient pas vers n'importe quel d'entre les sahaba. Ils retournaient aux sahaba parmi eux qui étaient les plus savants dans l'islam et les plus anciens. C'est-à-dire ceux qui avaient côtoyé le plus longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient, disons, plus de connaissances et plus de sciences de la religion. Ils ne retournaient pas vers n'importe qui. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, et les sahaba, malgré qu'on connaît leur intégrité, leur fiabilité, leur honnêteté, leur science, on voit qu'ils retournaient à leurs savants parmi les sahaba. Dans les questions de religion qui leur causaient des problèmes ou qu'ils ne comprenaient pas ou des choses qu'ils avaient comme questions. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple, al-khulafa ul-arba'a, les quatre khulafa rachidin, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiyallahu anhum. Donc les sahaba retournaient vers eux pour leur poser des questions. Sinon, ils allaient vers Abdullah ibn Mas'ud également, parce qu'il fait partie des savants entre les sahaba. Et Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn al-Khattab, aussi faisait partie des savants. Et Aisha radiyallahu anha. Et également d'autres comme eux, comme Abdullah ibn Abbas, et d'autres, ainsi de suite. Mu'ad ibn Jabal, et ainsi de suite. Le cheikh il dit, وكان عصر التابعين وتابعيهم اشتهر فيهم العلماء وكان الناس يرجعون إليهم حتى أخذت الكتب العلماء مذاهبهم تشرق وتغرب في أنحاء المعمورة. قال الشيخ الفوزان في كتابه هداية المستفيد شرح كتاب التوحيد إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. Donc le cheikh il dit ensuite après les sahaba à l'époque des tabi'in et même après ceux qui sont venus par la suite les tabi'in, ceux qui étaient les ulama parmi eux, c'était eux qui les c'était vers eux que les gens retournaient et c'était eux qui étaient les plus célèbres. Et les gens retournaient vers eux hein, jusqu'à ce que les gens commencent à prendre des livres par la suite et puis se séparer avec leurs différents mazahib à l'est et à l'ouest et dans toutes les régions dans le monde. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit que il dit dans son livre Hidayat al-Mustafid, Sharh al-Kitab al-Tawhid qu'on a fait ensemble, il dit celui qui sort des paroles des savants, qui sont reconnus hein, parmi les grands savants, celui qui sort des paroles des ulama qui sont reconnus vers des gens qui ne sont pas aptes à faire l'ijtihad, eh bien, c'est celui qui fait ça, c'est lui qui est considéré comme étant un égaré et une personne qui s'écarte vers des opinions singulières. Hein? Donc celui qui sort de la parole des fuqaha et des ulama reconnus et qui va vers des individus autres qui ne sont pas reconnus comme étant des mujtahidin, des gens qui possèdent les outils et les connaissances nécessaires pour être capables d'extraire les verdicts des textes directement du Coran et de la Sunna, ceux qui font ça sont des gens égarés et ce sont des gens qui s'écartent de ce qui est clair vers des positions qui sont singulières. Et tu vois, c'est souvent des jeunes comme ça, tu vois. Allah al-Musta'an, j'en ai rencontré même comme ça à Montréal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des livres de fiqh, comme par exemple des mawsu'at, des livres très élaborés dans les questions de fiqh, qui rentrent dans les divergences entre les ulama et qui mentionnent les différentes paroles des ulama, comme Al-Mughni ou bien d'autres livres de fiqh comme ça, yani, que ce soit dans les madahib, hein, que ce soit Hanbali ou Shafi'i ou Maliki ou Hanafi ou autres, ils vont lire dans ces livres-là, puis ils pigent au hasard des positions comme ça qu'ils trouvent en accord avec ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils aiment, et puis ils prennent cette position-là. Et puis après, ils vont débattre avec les autres, ils disent « Ah, tel savant il a dit ça, tel savant il a dit ça, tel savant il a dit ça. » Puis tu leur demandes « Ok, d'accord, les savants ils ont dit ça, c'est quoi le dalil ?» Et là, ils disent « Je sais pas. » Parce que des fois dans ces livres de fiqh, ils mentionnent les positions des ulama, mais il n'y a pas de dalil qui sont mentionnés. C'est juste les divergences qui sont mentionnées seulement. Et donc, si tu te bases juste sur ces paroles-là, puis tu dis « Ah, tel cheikh il a dit ça, puis tu dis ça c'est le haqq, sur quoi tu te bases pour dire que c'est le haqq si tu connais pas son dalil, tu connais pas sa preuve, hein? Donc tu vois ces jeunes-là débattre de religion, faire des disputes entre eux, commencer à même faire le takfir des autres parfois en se basant sur la parole d'un savant qu'il a lu dans un livre de fiqh, hein? Que dans la seule question qu'il est en train il est en train de parler d'un sujet en particulier, seulement dans cette question-là, peut-être qu'il y a 10 paroles différentes des savants mentionnés sur cette question-là. Hein? Lui, il en a choisi une au hasard, puis il dit c'est ça qui est le haqq. C'est quoi ta preuve? Je sais pas. Donc comment, subhanallah, tu prends des paroles comme ça, puis tu te bases là-dessus? C'est pour ça que les ulama, il dit celui qui sort des paroles des fuqaha qui sont connus et qui se tournent vers des gens qui sont pas aptes à faire l'ijtihad, hein, qui connaissent même pas les adillas et les causes des divergences, et il va vers ces gens-là pour prendre des positions. Ça, c'est une personne qui est égarée. Hein? Et il dit, وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في كتاب الإجابات المهمة يجب احترام العلماء لأنهم ورثة الأنبياء والاستخفاف بهم يعد استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ومكانتهم في الأمة وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit dans le livre Al-Ijabat Al-Muhimma, hein, les fatwas qu'on lit de temps en temps comme ça, de Cheikh Al-Fawzan, il dit, il est obligatoire de respecter les savants de l'islam, parce que ce sont les héritiers des prophètes. Et le fait de dénigrer ou de rabaisser ou de manquer de respect aux ulama, hein, et de manquer de respect à leur statut et au degré de ces hommes-là, c'est en même temps un manque de respect envers leur héritage qu'ils ont eu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque manque de respect ou rabaisse les ulama, ça implique indirectement qu'il manque de respect envers tous les musulmans. Puisque les ulama sont les plus hauts de cette umma, les meilleurs de cette umma. Donc si quelqu'un manque de respect envers les ulama, donc dans ce cas-là, c'est comme s'il manque de respect à tous les autres musulmans. Hein? Puisque si tu manques respect au plus haut d'entre nous, mais ça implique tous les autres qui sont en dessous d'eux. Hein? Et ensuite, il dit également que il est obligatoire de respecter les ulama à cause de leur science et à cause du degré qu'ils ont dans la umma. Et il dit le chef qu'il n'y a personne qui rabaisse les ulama ou qui diminue leur importance, excepté que il y a un châtiment qui va l'atteindre dans sa personne. Excepté qu'il y a un châtiment qui va l'atteindre dans sa personne, une punition qui va l'atteindre dans sa personne. Hein? Et ça, on l'a vu. Et ça, on l'a vu même dans la réalité, hein, se produire pour beaucoup de personnes. Et parfois, cette punition-là, ce n'est pas nécessairement une punition physique. Ça peut être une punition d'autres catégories aussi. Ça peut être une punition du fait que la personne devient égarée. Ça peut être une punition du fait que la personne, elle quitte la pratique de l'islam ou elle cesse de le faire ou des choses de ce genre. Ça peut être toutes sortes de catégories de châtiments aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate. Actuellement, les gens maintenant qui manquent de respect envers les hommes de science et envers les savants de l'islam, surtout parce que ce sont souvent des gens qui ont qui suivent des tendances et des idéologies politiques, et quand ils trouvent que les savants donnent des fatwas qui sont en contradiction avec ce que eux veulent, ils les dénigrent, hein, ils les dénigrent et ils les rabaissent à cause de ça, hein, parce que eux ils se croient plus intelligents et plus savants que les hommes de science. Mais ça, on va expliquer ça plus en détail par la suite. Et le cheikh, il dit que l'histoire, elle est le meilleur témoin de ce que je viens de dire dans le passé comme à l'époque actuelle, c'est-à-dire que ceux qui manquent de respect envers les ulama, ils ont un châtiment qui les atteint par la suite. Hein, des gens qui font le takfir des ulama. Hein, il y a des jeunes là qui font le takfir des ulama. Sinon, s'ils font pas le takfir, hein, ils les traitent d'ignorants. Ou bien ils les ridiculisent, ou ils les rabaissent, ou ils les accusent, comme on disait la dernière fois, d'être des savants à la solde des dirigeants, et des esclaves des dirigeants. Il y en a même qui ont, à certaines époques, je me rappelle, ils parlaient de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, ils disaient, ah ça c'est des gens qui travaillent pour les États-Unis, ou qui sont des agents du Mossad, ou des trucs de ce genre. Hein? Allahu Musta'an. Donc ça c'est, tu vois l'égarement de ces jeunes-là qui ne comprennent rien ni à la politique ni à quoi que ce soit, mais qui pensent que ils se prennent pour les plus grands théoriciens, les plus grands politiciens qui sont, hein, alors qu'ils font juste parler dans un café ou bien au coin de la rue comme ça avec leurs amis, ils pensent qu'ils ont tout compris de ce qui se passe dans le monde, et puis ils viennent critiquer les hommes de science et les savants de l'islam. Allah al-musta'an. Le cheikh dit « ثم بينا الفوزان حفظه الله أن السبب في الشذوذ عن المنهج هو الخروج عن كلام العلماء فقال إن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم الصالح. Donc le cheikh il explique que la raison pourquoi beaucoup de jeunes se sont déviés, hein, ils ont quitté le manhaj, ils sont sortis vers d'autres choses, que vers d'autres voies, ils ont quitté la voie des hommes de science. Il dit que c'est parce que yani, beaucoup d'entre les jeunes ont été influencés par des idéologies qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, il parle par rapport à l'Arabie Saoudite, mais on sait que ces idéologies-là maintenant sont répandues partout dans le monde. Hein, les groupes des Ikhwan et d'autres sectes qui sont propagées. Avant, elles n'existaient pas en Arabie Saoudite, il n'y avait que la da'wah du Tawhid et de la Sunna. Puis par la suite, ces groupes-là sont arrivés en Arabie Saoudite, puis ça s'est propagé. Maintenant, les gens sont mélangés à cause de certains d'entre ces gens-là qui propagent l'égarement là-bas. Mais ces déviations-là et ces égarements-là sont propagés partout dans le monde, ici à Montréal et ailleurs, dans les pays non musulmans et dans les pays musulmans aussi. Et on voit là qu'est-ce qui se passe dans le monde maintenant, des gens qui n'obéissent pas aux ulama, qui n'obéissent pas aux ulama et qui ne suivent pas la compréhension des ulama qui sont sur le Coran et la Sunna. Ils ne font que suivre leurs propres opinions et leurs idéologies. Et donc, le cheikh, il dit, ces jeunes-là, ils ont dévié de la da'wah parce qu'ils ont été influencés par ces idées-là qui viennent de l'extérieur. En ce qui concerne les gens qui font la da'wah au Coran et à la Sunna, qui sont restés sur le droit chemin, et de même que les jeunes qui restent attachés aux ulama et qui ont une bonne relation avec les ulama, ils n'ont pas été influencés par la grâce d'Allah, par ces idéologies-là qui viennent de l'extérieur, et ils sont restés droits comme leurs prédécesseurs. Le cheikh il dit « أقول لا يقع » c'est-à-dire Cheikh Al-Fawzan il dit « لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين وعلى الحق إلا أحد ثلاثة إما منافق معلوم النفاق وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. Donc le cheikh il a, comme on dit, il a yani bien classé, comme on dit en anglais, break it down, yani il a vraiment catégorisé d'une façon, tu peux pas t'en sortir de cette classification là. Le cheikh il a dit, celui qui tombe dans l'attaque de l'honneur des savants et qui attaque les ulama et les savants de la sunna, qui sont droits et qui sont sur la vérité, ils ne sortent pas d'une de ces trois catégories-là qu'on va mentionner. Hein? On ne parle pas du fait de critiquer des soi-disant ulama qui sont sur la bid'a et qui appellent à la bid'a, comme les ulama des shi'a par exemple, ou les ulama des khawarij, ou les ulama des mu'tazila, ou des soufis, ça c'est des gens d'égarement. On parle des gens qui critiquent les ulama d'Ahl Sunna, hein, qui n'ont aucune autre référence que le Coran et la Sunna, qui appellent au tawhid et qui appellent à réfuter les innovations et la bid'ah. Celui qui les critique et qui les attaque, il est une des trois catégories suivantes. Soit que c'est un hypocrite dont on connaît l'hypocrisie, munafiq. Ça c'est la première catégorie. Deuxième, c'est un fasiq, un pécheur, quelqu'un qui est pervers et qui déteste les ulama parce que les ulama leur empêchent de faire la perversité qu'ils veulent faire. Ou troisièmement, un hizbi, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie d'un groupe islamique ou politique ou ainsi de suite, et il est égaré et il déteste les ulama parce que les ulama ne sont pas en accord avec lui sur son groupe et sur son parti et sur ses idéologies déviées. Donc tu vas voir par exemple aujourd'hui ceux qui critiquent le plus les ulama, hein, ce sont les jeunes bid'ah, que ce soit les khawarij, les jeunes qui font le takfir. Tu les vois insulter les ulama et dire à leur sujet des paroles graves, même parfois dire qu'ils sont des koufars, hein. Et pourquoi ils font ça? Parce que les ulama refusent de faire le takfir comme eux, de déclarer n'importe qui kafir parmi les dirigeants juste selon leurs désirs et leurs passions, hein, sans retourner au fondement et au principe de la charia. Hein. Eux, pour eux, c'est pas compliqué faire le takfir. Ils prennent un verset puis ça y est. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ça y est, ils sont tous des koufars. C'est pas compliqué. Pour les ulama, c'est pas aussi facile que ça. Pour les ulama, c'est pas aussi simple que ça. Le verset, derrière, il y a toute une compréhension. Il y a plein de règles et de principes pour l'appliquer. C'est pas juste, tu prends un verset comme ça, tu l'appliques, ça y est, c'est facile, comme tu, ils sont tous des koufars. Hein? Mais Allahu al-Musta'an, celui qui n'a pas étudié, celui qui ne cherche pas la science, celui qui n'est pas, ne fait pas d'effort pour apprendre sa religion et pour la comprendre correctement, il ne va jamais être capable de savoir ces choses-là. Hein? Il ne va jamais être capable de comprendre non plus correctement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lire chez les livres des gens qui sont d'accord avec lui, hein, des gens qui vont pencher vers sa bid'ah, pour essayer de renforcer sa bid'ah dans sa tête. Hein? Et il ne va pas essayer de retourner vers justement les ulama, les gens qui sont reconnus. Hein. C'est pour ça que ces gens-là, quand tu leur demandes, à chaque fois je vous le dis, chaque fois tu leur demandes à ces gens-là, c'est qui vos ulama? C'est qui vos références? Vers qui vous retournez pour savoir quelque chose? Et ils ne vont pas dire le nom. Ils ne vont pas dire les noms. Hein. Et si, pourquoi ils ne vont pas dire les noms? Parce qu'ils savent que les gens vers qui ils se retournent, eux ne sont pas des ulama. Sont pas considérés des savants par les savants eux-mêmes. Hein? Parce que les ulama, entre eux, ils se reconnaissent. Et ils se connaissent entre eux. Donc, si tu dis un nom, on va dire, ok, d'accord, toi tu considères qu'un tel, c'est un savant. D'accord. Avec qui il a étudié? Est-ce que les savants ont parlé de lui et ont dit que c'est une personne qui fait partie des hommes de science? Est-ce qu'il est sur les fondements et les bases d'Ahl Sunna? Hein? Donc ça, c'est des exemples. Parce que j'ai rencontré un jeune dernièrement, Allah Musta'an, pour lui, il était convaincu que la personne qui l'écoute, c'est le plus grand savant de l'histoire actuelle, c'est le plus grand savant de l'islam qui vit maintenant. Hein? Et lui, il est dans le takfir, dans le soi-disant le djihad des terroristes là et tout, qui n'a rien à voir avec le djihad de l'islam, et il défend ces idéologies-là, et il parle contre ce que lui considère être... une forme de wala pour les koufars, il pense que celui-là, c'est le plus grand savant de l'islam. Hein? Puis quand tu lui dis, mais avec qui il a étudié? Je ne sais pas. Il a étudié avec des ulama, mais je ne connais pas leur nom. Yani, subhanallah, comment tu prends ta religion comme ça de n'importe qui? C'est pour ça qu'on a dit la dernière fois, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Cette science-là, c'est ta religion. Fais attention de qui tu la prends, de qui tu prends ta religion. Et donc, c'est pour ça que les hommes de science, alhamdoulilah, eux, ils disent, ah, mais vous, vous prenez juste des savants qui sont connus. Vous n'allez pas y aller prendre des autres savants qui ne sont pas connus, puis qui sont aussi des grands savants. Subhanallah. C'est qui décide qui est un grand savant, qui n'est pas un grand savant? Si ce n'est pas les savants eux-mêmes qui peuvent être capables de distinguer entre ces choses-là. Donc le cheikh il explique, il dit que par exemple il y a des choubouhats qui sont propagés parmi les gens, surtout à l'époque actuelle. Maintenant on en entend plein comme ça. Ash-shubhatul ula adamu fiqhihim lilwaqi'. Donc ils disent que les savants ils comprennent pas la réalité de ce qui se passe par le monde, dans le monde actuel. Ils comprennent pas les savants, c'est eux qui comprennent seulement. Hein? Eux ils comprennent, et les jeunes avec eux qui sont avec eux, eux ils comprennent qu'est-ce qui se passe dans le monde, toutes les complots, hein, les ruses des koufars, qu'est-ce que les koufars sont en train de manigancer dans le monde comme stratégie, les conspirations et tout ça. Eux ils ont compris tout ça parce qu'ils ont cherché sur internet, puis ils ont découvert là, les plans de qu'est-ce que les koufars préparent. Comme si les koufars allaient mettre leurs plans sur, sur Internet ou bien dans des livres qu'on vend ou dans les magazines du coin. En tout cas, moi je te dis que les, il y en a comme par exemple les, tous les gouvernements dans le monde, ils ont des services de renseignement, ils ont des groupes qu'on appelle des groupes d'intelligence qui font des, ils ont comme par exemple aux États-Unis il y a le Pentagone et il y a d'autres gens, eux, la CIA, le, ces gens-là, ils font des plans et des calculs pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le monde. Ils vont pas dire ça à tout le monde. Ils vont pas dévoiler ça à n'importe qui. Hein? Ça, c'est des choses, quand ils mettent sur leurs documents, là, secret, ultra secret, ou des choses comme ça, personne ne peut le connaître. Sauf ceux qui sont concernés. Hein? Et, il y a des informations secrètes entre les dirigeants, puis leurs conseillers, même dans tous les pays, il y a ça. Hein? Il y a des secrets d'État, il y a des choses comme ça. Ça, c'est pas des trucs que tu trouves dans les magazines, dans les journaux, dans les télé, dans la télé, ou bien à l'internet. Ou bien les trucs de ça. Ça, ce que tu trouves là, c'est, souvent, c'est que de la spéculation, que comme on dit, des conjectures, des gens qui s'imaginent que ils ont déduit, ils ont fait des calculs, des déductions par eux-mêmes pour essayer de comprendre des choses. Mais ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai, hein. Donc, c'est pas ça la compréhension de la réalité. Et de toute façon, comme on va le voir, le cheikh il va expliquer que la compréhension de la réalité en elle-même, elle n'est pas suffisante pour être capable de donner un verdict selon la charia. Tu peux avoir la meilleure compréhension de la réalité de qu'est-ce qui se passe autour de toi, et malgré tout, tu peux rien faire avec cette connaissance et avec cette compréhension-là. Pourquoi? T'as pas la connaissance des règles de la charia. Et c'est ça que le cheikh il explique. Il dit là, بد هنا قبل الشروع برد هذه الشبهة وكشف عوارها من التنبيه عن أمور مهمة. Il dit, avant de commencer à réfuter cette شبهة, il faut comprendre certaines choses importantes. أولا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره من تصوره فلا يمكن الحكم على أمر أو نازلة تقع في مكان ما إلا بعد تصورها بالكامل بكل تفاصيلها وهذا يكون بأحد أمرين الأول معايشة هذه النازلة أو هذا الأمر عن قرب أو معرفة الوقائع معاينة والثاني عن طريق خبر الثقات الحريصين على نقل الواقع بدقة. Donc premièrement, yani, pour avoir un verdict à propos de quelque chose, eh bien, il faut comprendre que ce verdict-là va dépendre de notre conception de ce qu'on a de cette réalité. Plus notre réalité va être correcte, plus les informations qu'on a au sujet de cette réalité-là sont exactes, plus le verdict sera, inshallah, exact aussi. Et tu peux pas faire un verdict sur une situation ou sur une chose ou sur une question qui se passe quelque part dans le monde, excepté après l'avoir compris complètement dans tous ses détails. Hein? Et pour arriver à cette compréhension complète et à cette connaissance détaillée des choses, tu peux pas y arriver excepté par deux moyens, soit en ayant vu ou en ayant vécu cet événement, cette situation qui se produit de proche, ou bien en ayant connaissance des événements parce que tu les as vus, ou deuxièmement, parce que tu as eu l'information qui t'a été transmise de la part des rapporteurs de cette information-là qui te la rapportent et qui sont vraiment motivés à vouloir transmettre la réalité avec précision, telle qu'elle est. Hein? Et donc, ça c'est le premier point, qu'il faut, avant de faire un verdict sur quelque chose qui se passe, avoir la connaissance correcte de qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que, dans toutes les situations, il y en a justement, quand il y a un grand événement qui se passe dans la Oumma et que les ulama doivent, par exemple, donner une fatwa sur une situation, hein? Comme par exemple, surtout quand ça a un rapport avec les questions militaires ou des choses politiques qui sont qui affectent la population tout entière, eh bien, ils ont des rapports et des conseillers qui font des études et des analyses, et ils sont au courant de beaucoup d'informations que le public ou la population en général ne peuvent pas connaître, hein, parce qu'ils ont accès à des rapports, à des informations, à des études, à des informations que le commun des citoyens ne peuvent pas savoir. C'est pas des choses que tu vas entendre à la télé ou lire dans les journaux ou trouver sur internet en cherchant sur Google ou des trucs comme ça, hein. Donc ça c'est important. Et deuxièmement, ان العلم بالواقع يعني العلم بالحكم الشرعي فالنازلة يعرفها كل من وقعت عليه حتى ولو كان اجهل الناس ولكن من يعرف الحكم الشرعي لا شك انهم اهل العلم بالكتاب والسنه. Donc le cheikh dit deuxièmement, la connaissance de la réalité, ça ne veut pas dire que tu possèdes la connaissance du verdict de la charia au sujet de cette réalité-là. C'est-à-dire que tu peux avoir la connaissance, comme on disait, de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel endroit, hein, ou dans telle ou telle situation. Et يعني, le cheikh dit « فَالنَّازِلَ يَعْرِفُهَا كُلُّ مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ » C'est-à-dire, l'affaire, lorsque ça t'arrive à toi, le problème ou la situation, mais tu la connais, et tout le monde qui, à qui ça arrive, ou qui est présent au moment de cette chose-là, à cet endroit-là, il sait, il peut te décrire comment les choses se sont produites et qu'est-ce qui se passe, même si ce sont les plus ignorants parmi les gens qui ignorent la charia. Donc le fait de connaître la réalité de la description des choses, ça ne fait pas de toi quelqu'un apte à être capable d'émettre un verdict religieux sur une situation quelconque. Hein? Donc, il n'y a pas de doute que celui qui connaît le verdict de la charia sur cette situation-là et sur cette chose-là, c'est uniquement les hommes qui ont la science du Coran et de la Sunna. D'accord? Donc, ceux qui disent, on entend aussi beaucoup qui formulent ça d'une autre façon, ils disent pas les savants connaissent pas la réalité, mais ils disent, par exemple, les savants, ils connaissent le texte, mais ils connaissent pas le contexte. Ça, j'aime ça ramener cet exemple-là à chaque fois, parce que c'est un exemple de cette choubha, mais dit d'une autre façon. Ils disent, les savants, eux, ils connaissent le texte, mais nous, on connaît le contexte. Et des fois, pour essayer de rabaisser les ulama d'Ahlus Sunnah, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous, on prend pas des paroles des savants qui n'ont pas une connaissance ou une expérience du contexte européen ou du contexte nord-américain. En voulant dire, les savants qui sont pas ici ou qui sont pas venus vivre ici, on prend pas leur fatwa. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la réalité du contexte dans lequel on vit. On va juste prendre la science des gens qui sont ici. Et les gens qui sont ici, est-ce que ce sont des ulama? Non. Hein? Ils sont pas des ulama. Ils ont pas la connaissance du texte. Donc, eux, ils disent, nous, on va prendre ceux qui ont la connaissance du contexte seulement. On va pas retourner à ceux qui ont la connaissance du texte. Et eux, ils prétendent que les ulama qu'on suit, ils n'ont pas la connaissance du texte, du contexte. Mais ça, c'est facile dans ce cas-là. S'ils connaissent pas le contexte, on a juste à leur expliquer le contexte. Et une fois qu'on leur a expliqué en détail le contexte, ils vont nous donner le verdict selon qu'est-ce qui est dans les textes. Puisque sans la connaissance des textes, on ne peut pas arriver à un verdict, de toute façon. Donc celui qui a le plus grand manque à combler, c'est qui? C'est pas celui qui n'a pas la connaissance du contexte, c'est celui qui n'a pas la connaissance du texte. Parce qu'apprendre le Coran et la Sunna et les règles de la charia, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué que d'apprendre le contexte d'une situation ou d'un événement qui peut se passer dans une société quelconque. Donc on va s'arrêter ici, à ce point-là, puis on va continuer demain, Inch'Allah, à réfuter cette choubha de ceux qui critiquent les hommes de science et les ulama, et en particulier actuellement, c'est la critique, elle est souvent visée vers contre les savants de l'Arabie Saoudite. Hein, tu les entends aussitôt que c'est un savant. Des fois, on dirait juste pour arriver, comme tu leur ramènes une fatwa des savants, puis eux, comme tout de suite pour la réfuter, c'est comme ah, mais ça, c'est un savant de l'Arabie Saoudite. Comme si ça suffit pour dire que la fatwa elle est pas bonne. Sans regarder les preuves du Coran et de la Sunna, sans regarder les arguments et les. Hein. Et si tu leur ramènes des preuves des autres ulama salafiyin des autres pays, comme du Yémen ou d'autres pays, là, ils ne peuvent pas les accuser, hein, que ce sont des Saoudiens. mais ils la rejettent pour d'autres raisons. Ah, ça, ce sont des ulama sultan, hein, des ulama de ci, de ça, hein. Allah al-musta'an. Bon, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. T'as une question? Elle n'est pas suffisante. La connaissance de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans ton entourage ou dans le problème qui se produit, c'est pas suffisant pour arriver à connaître est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation selon l'islam, selon le Coran et la Sunna, hein, comme qu'est-ce qui se passe en Égypte actuellement ou qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays musulmans. Ok, ça se passe. On sait qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait selon le Coran et la Sunna dans ces situations-là? Ça prend la connaissance du Coran et de la Sunna et de la compréhension des salafs. Donc, on va s'arrêter ici. Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilay. T'as pas compris? Ok. Oui, pour donner un verdict religieux, pour donner une fatwa par exemple. Oui, c'est ça. Donc si tu veux donner une fatwa, il faut que tu peux pas juste dire je connais la réalité. Il faut que tu connaisses la charia aussi. Hein? C'est ça qu'on veut dire. Donc